L'heure de vérité. Dans un premier temps, Faustine est seule dans sa chambre de la maternité. Ironiquement, grâce à Vincent, elle se sent fraîche et dispose. En effet, le jeune homme a passé les dernières semaines à revisiter les films d'horreur proposés par la vidéothèque, ce qui fait qu'entre Les Revenants, Le Retour des Morts Vivants, Massacre à la tronçonneuse, Freddy les Griffes de la Nuit, Faustine a eu son compte de sommeil, vu qu'elle monte et se couchait dès l'apparition des premières gouttes de sang, afin de ne pas traumatiser son bébé. Maintenant, elle est là, qui attend, incapable de lire. Dans son corps, les hormones jouent au billard, alors que dans sa tête, les pensées contradictoires se bousculent. Il lui arrive la plus belle chose du monde, mais elle n'arrive pas à se sentir joyeuse, ni satisfaite, ni sereine. Parce qu'elle sent bien que son mariage est en train de foirer, qu'elle a fait une connerie monumentale avec son obstination de vouloir à tout prix un bébé, que maintenant elle s'éloigne du père de son enfant, et que si ça se trouve, elle est amoureuse d'un autre. Elle se sent complètement coincée. Quel gâchis! C'est à ce moment-là que les infirmières amènent une autre parturiente, une pauvre petite chose étrangère, terriblement angoissée, dont il semblerait que c'est le premier enfant. Faustine n'arrive pas à la rassurer car elle ne parle pas l'espagnol. Heureusement, la maman arrive et calme sa fille jusqu'aux petites heures du matin. Gilles passe voir Faustine après le travail. Suite à sa première petite contraction, la jeune femme n'a plus rien senti. Était-ce une fausse alerte? Son mari repart après lui avoir souhaité bon courage. Rien d'autre. Ni qu'il est fier d'elle, ni qu'il est content d'être bientôt papa. Seulement qu'il reviendra dès que l'accouchement aura commencé. En attendant, il doit dormir un peu. Pour elle, entre ses pensées et les gémissements de sa voisine, la lumière et le bruit, pas moyen de dormir. Au petit matin, l'infirmière lui apporte un médicament supposé accélérer le mouvement. Vers midi, les contractions se précisent. C'est le moment choisi par certaines pour lui téléphoner. Maman, très brièvement pour commencer. Puis la future marraine qui se prend un hurlement dans les oreilles. Vers 13h, on la descend en salle de travail. Faustine s'exprime avec la régularité d'un métronome. Gilles arrive en courant, demande ce qu'il peut faire. On lui fournit un gant de toilette pour éponger sa femme et on lui explique comment lui masser le dos. Dans un coin, l'anesthésiste prépare tranquillement son matériel lorsque soudain la poche des os se perce. En même temps que Faustine hurle « Bébé pousse, il veut sortir !» Aussitôt, tous s'agitent dans la pièce. Le pauvre anesthésiste se retrouve collé au mur, l'infirmière et sage-femme prennent le relais et en moins de 10 minutes, la petite Julie jaillit comme une fleur. À 13h25 exactement. Elle a l'air bien gironde avec ses 3 kg 360 g et sans un pli pour dire qu'elle est née avec 3 semaines d'avance. On la pose 5 minutes sur le ventre de sa maman qu'elle puisse faire connaissance. Faustine pleure et rit à la fois. Défie les années, les souffrances, les attentes, les frustrations, oubliées en un instant par la magie de cette nouvelle merveille du monde. Tant espérée est si bienvenue. Sa fille, enfin. Débordante de bonheur, elle la regarde sans se lasser, compte les doigts de main, de pied, caresse le joli duvet blanc. Pendant que la sage-femme en termine avec le placenta, Gilles emporte sa fille vers la baignoire, afin de la laver et la réchauffer. Peu après, Faustine blague avec le jeune interne chargé de la couture. Sitôt qu'elle est recousue, sous anesthésie cette fois, quelle différence avec les pratiques américaines, elle se lève. Enfile sa robe de chambre, ses pantoufles et se dirige vers la cafétéria. Les médecins s'occupent de Julie. Elle la retrouvera plus tard dans leur chambre. Faustine a bien travaillé. Elle a terriblement besoin d'une cigarette. Elle rejoint la tablée où l'attendent déjà Gilles, marraine Monique avec la gourmette de naissance, ainsi que sa belle-mère accompagnée d'un énorme bouquet de fleurs. Sa propre mère travaillant, elle ne peut pas s'absenter. Supputant à raison que sa fille aura bien assez de monde autour d'elle. De fait, Stéphane et Vincent arrivent fissa en droite ligne de Prévrange, où ils ont déjeuné ensemble. Tout ce petit monde boit et fume en papotant gaiement. Au bout d'une demi-heure, Faustine commence quand même à ressentir un peu de fatigue. Elle salue à la ronde et se retire dans sa chambre. Sa fille est déjà là, dormant tranquillement dans son berceau, juste à côté du lit de sa maman. Maintenant que le plus gros est passé, la jeune maman éprouve soudain une immense tristesse. Un effet boomerang si violent que pendant une microseconde, elle doit lutter de toutes ses forces contre une pulsion soudaine, irrépressible, lui intimant de jeter son bébé par la fenêtre. Une vague de désespoir atroce l'envahit, dont elle ne comprend pas la raison. Elle ferme les yeux, s'apprête à mourir. Heureusement, Vincent, Gilles et Stéphane surgissent, entourent son lit, la distraient et les prennent en photo, sa fille et elle. Ils n'ont rien remarqué de son malaise. Les nuages noirs s'effacent bien vite, laissant la place à la joie et à l'amour. Dans la chambre, une autre maman trône sur son lit, un enfant son dans les bras. Face à elle, contre le mur, sont alignés quatre messieurs, manifestement musulmans. De temps à autre, l'un d'eux se lève et s'en va fumer dehors. Faustine, lorsqu'elle doit passer pour se rendre aux toilettes avec sa chemise ouverte dans le dos, est affreusement gênée par tous ces regards. Pour l'instant, Julie dort. Mais quand elle aura faim, va-t-elle devoir l'allaiter devant tous ces voyeurs? Il n'y a pas de rideau de séparation. En fin d'après-midi, le va-et-vient perdurant, Faustine confie son embarras à une infirmière. Réalisant soudain la situation, celle-ci prend immédiatement les mesures nécessaires. En moins de 5 minutes, Faustine et Julie sont transférées dans une autre chambre. Quel soulagement! Repos, allaitement, visite, les heures passent vite. Le deuxième jour, tranquillement assise, la clope au bec dans les toilettes publiques au bout du couloir, elle entend à travers la bouche d'aération un hurlement à faire se dresser les cheveux sur la tête. Ce cri de femme dont les douleurs de l'accouchement ressemblent tellement au sien qu'elle se prend à trembler. Elle ne fume plus jusqu'au soir quand elle descend à la cafétéria, vide à cette heure tardive, sauf pour un concierge solitaire avec lequel elle refait le monde. Puis, elle remonte vers son bébé, heureuse à l'idée de rentrer avec elle le lendemain. C'est Gilles qui vient les chercher. Baudot lui a donné congé pour la journée. À la maison, la première chose que remarque Faustine, c'est le magnifique avocatier cultivé par Vincent, installé sur la commode de l'entrée. Mais ce n'est pas tout. Le jour même de la naissance de Julie, Vincent a planté un tulipier dans le jardin. C'est un arbre magnifique qui deviendra immense si on lui en donne le temps. Faustine s'installe très vite dans son rôle de maman. Au début, Gilles se prend au jeu également. Ils sortent souvent avec leur nouvelle-née et la présentent aussi bien aux alcooliques anonymes qu'aux marins du club nautique, ainsi qu'à la famille élargie. Faustine a envoyé les faire part. Le couple a été arrosé de cadeaux. Puis la vie a repris. Gilles s'est à nouveau refermé sur lui-même. Il travaille du lundi au samedi, participe aux travaux culinaires, puis s'écrase devant la télévision avant de monter s'enrouler sous sa couette. Il regarde à peine sa fille, ne la prend jamais dans les bras, ne pose aucune question à Faustine, bien qu'il semble heureux d'être là. De temps en temps, il prend une photo, histoire d'ancrer la réalité dans sa vie. Mais on dirait qu'il a perdu son moteur. Ou alors, il a rechuté. Mais Faustine a beau continuer à chercher, elle ne trouve aucune preuve d'une éventuelle reprise de boisson. Quand, où, comment? Le mystère reste entier. C'est épouvantable de sentir qu'il y a anguille sous roche sans pouvoir le prouver. Faustine déprime. L'avenir lui fait peur. Vincent, de son côté, est heureux. Son frère lui a donné l'adresse d'une école d'art nouvellement ouverte en Valais. Il décide d'aller voir les dirigeants. Au retour, il paraît conquis. L'un des deux directeurs n'est autre que Grégor Rosinski, le père et dessinateur de la bande dessinée Torgal. Vincent doit présenter des travaux achevés, ce qu'il fait la semaine suivante. Bien entendu, il est pris haut la main. Les cours commencent en septembre. 2 heures de route pour aller, autant pour revenir, Cela semble énorme à Faustine. Mais Vincent pense que c'est possible malgré les douleurs. Pendant que Julie dort, Faustine reprend son travail pour Monsieur G. Dès son retour du CHUV, il lui a donné 2 livres à taper dans un délai très restreint. Faustine fait de son mieux, mais s'occuper de la maison, du bébé, qui ne fait pas encore ses nuits, à côté de ce travail supplémentaire, devient vite impossible. Elle préfère renoncer à ce mandat et renvoie le tout, sachant que Monsieur G a engagé un stagiaire parfaitement apte à la remplacer. Évidemment, le stagiaire est beaucoup plus cher que Faustine. Monsieur G est furax et le manifeste par un coup de fil cinglant. Faustine perd un bon client, mais tant pis. C'était ça ou les migraines à répétition dues au stress. Au mois d'août, on reste à la maison. Gilles, qui n'aurait pas de vacances cette année, aurait bien aimé faire un peu de bateau. Mais avec un nourrisson, ce n'est pas possible. Stéphane s'occupe de ses filles et la santé de Vincent ne lui permet pas de folie. Malgré tout, la maisonnée n'hésite pas à faire la fête chaque fois que c'est possible. Le 1er août, on célèbre à la fois l'anniversaire de maman et la fête nationale suisse. Le 15, c'est au tour de Faustine de fêter ses 38 ans. Pour l'occasion, Vincent lui offre une aquarelle. Une femme emmaillotée dans des bandelettes en train de tomber. Le tableau est tellement significatif de ce que Faustine est en train de vivre qu'il la fait pleurer. De fait, il expose sa renaissance au monde. Gilles se montre très jaloux. Son cadeau à lui semble si fade à côté. Vincent s'en veut d'avoir été maladroit, mais le mal est fait. Dans le courant du mois, Julie se met à pleurer tous les soirs de 20 à 22 heures. Cela dure 15 jours. Faustine ne sait plus à quel saint se vouer. Elle ne trouve d'aide nulle part. Ni chez sa mère qui a tout oublié, encore moins chez sa belle-mère ou la marraine. Faustine pense que sa fille a faim et décide d'allaiter à la demande, ce qui ne change rien au final. Elle est au bord de la crise de nerfs quand Vincent lui propose d'ouvrir un cahier de tétée avec des horaires fixes 14, 18, 22, 4, 6, 10. Au début, 6 tétées par 24 heures. Puis 5 lorsque Julie fera ses nuits. Elle pourra aussi noter dans son carnet l'évolution du poids de son enfant et tout son suivi médical. Julie ayant une fâcheuse tendance à régurgiter son lait, il n'est pas possible de savoir exactement ce qu'elle a bu. Aussi, Faustine a loué un pèse-bébé à la pharmacie. Très vite, les conseils de Vincent payent. Julie trouve son rythme. La vie à la maison devient beaucoup plus agréable. Vincent va commencer son école mi-septembre, mais avant cela, il lui reste encore beaucoup de temps libre. Tous les matins, Faustine et lui commencent par vider une bonne cafetière en fumant force cigarettes. Ils regardent des séries télé, Wycliffe ou Barnaby, sans jamais s'arrêter de parler. Toute leur vie y passe, toutes leurs erreurs, leurs rares réussites, leurs expériences. Vincent s'intéresse à tout. Il sait tellement de choses que sa conversation est passionnante. L'après-midi, après la tétée de 14 heures, ils sortent la poussette et promènent Julie dans les environs. La petite profite du bon air et du soleil pendant que Vincent nomme à Faustine toutes les plantes qui bordent les chemins et les champs. Il en connaît 2000, c'est dire. Faustine trouve extraordinaire de pouvoir s'ouvrir ainsi à la nature. L'herbe n'est plus de l'herbe, c'est du millepertuis, de la reine des prés, de la sauge, de la pulsatille, de l'achille des millefeuilles ou du plantain. Tout un monde à découvrir. Fin août, Stéphane déménage dans son propre appartement et récupère ses filles. Les services sociaux le payent pour s'occuper d'elles, n'est-ce pas formidable? Peu à peu, il donnera des cours de musique, puis il développera des stages d'initiation musicale tout en jouant dans des orchestres. Faustine est très fière de son frère qui s'en sort bien après toutes ces années de galère. De son côté à elle, ce n'est pas la joie. Elle craint le départ de Vincent à l'EPAC, école professionnelle d'art contemporain, à l'autre bout du canton. Elle va se retrouver seule avec Julie et sait d'ores et déjà qu'elle ne peut pas compter sur Gilles. La preuve, l'autre jour, elle les a laissés seuls pendant 2 heures, pour la première fois. Elle a demandé à son mari de faire boire un jus de fruits au bébé à 15h, puis de lui réchauffer son biberon pour 16h. Lorsqu'elle est rentrée à 17h, sa fille hurlait dans son berceau. Le jus d'orange bouillait dans la casserole et le lait était toujours au frigo. Son mari, bras croisés, regardait la télévision, juste à côté du bébé dont la couche débordait. En septembre, comme prévu, Vincent commence l'école. Il quitte la maison de 17h à 2h du matin, 3 jours par semaine. Leurs matinées sont identiques, seules certaines soirées sont différentes. Un samedi matin, le jeune homme lit à la cuisine lorsque Faustine descend de sa chambre. « Qu'est-ce que tu lis ?»« Une nouvelle de Stevenson, l'auteur de L'île au trésor. Tu connais ? Ça s'appelle « Oh là là des montagnes ».« C'est bien. »« Ouais, c'est une histoire d'amour. Je te la prêterai quand je l'aurai terminée. »« Si ça t'intéresse. »« Je sors faire une course. Tu as besoin de quelque chose ?»« Non, merci. J'ai tout ce qu'il me faut. » Sitôt que Vincent a le dos tourné, Faustine, curieuse, s'empare du bouquin. Elle survole quelques pages, s'arrête, fascinée. Ce qu'elle a sous les yeux n'est rien d'autre que la preuve irréfutable que Vincent est amoureux d'elle. Il semble totalement l'ignorer, mais si elle s'identifie au personnage d'Olala, tout correspond. La gentillesse, la prévenance, la tolérance, son attitude générale depuis qu'ils se connaissent. Faustine en est bouleversée au point de tomber assise par terre. La prise de conscience est violente, d'autant qu'elle réalise dans le même temps l'ampleur de son propre attachement pour cet homme. Ils sont faits l'un pour l'autre, c'est inéluctable. Comment a-t-elle pu passer à côté? Elle s'est donné beaucoup de mal pour occulter ce qui ressort maintenant comme une évidence. Ce qui va chambouler sa vie et celle de sa fille, car elle sait déjà qu'elle fera tout pour accéder au bonheur. Aussitôt qu'il passe la porte, elle l'interpelle. Elle lui pose la question qui lui brûle les lèvres. « Vincent, si les circonstances avaient été différentes, m'aurais-tu aimé ?» Et lui, après un court temps d'éternité, de répondre tout simplement « Oui ».